بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. وبعد، نواصل إن شاء الله درسنا في هذه القواعد، قواعد المثلى. دونك كونتينيو إن شاء الله نوتر درس بحول الله ومنه وكرمه. نوتر درس sur l'explication de قواعد المثلى. Et la dernière fois, on s'était arrêté à le tafsir de ce qu'ils avaient dit sur Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Sah ? C'était ça, hein ? Juste un petit peu avant. Oui, oui, un tariqat al-Asha'ira. Mais on va parler quand même de Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Alors. Cette mas'ala, cette question, c'est ce qu'on appelle la question du ulu. Ulu Allah, ala khalqihi. C'est-à-dire le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Alors ceux qui refusent ou qui veulent détourner les textes, les innovateurs, al-bida', ils ont refusé cela. Pourquoi ? Parce qu'ils disent que Allah c'est khaliq al-makan. Et Khaliq al-Makan, kayfa yuhitu bihi ish makan. D'accord ? Comment il peut être englobé dans un endroit ? Ala kulli hal. Et nous, on leur dit, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il n'y a pas de khilaf que c'est Khaliq al-Makan, c'est Khaliq kulli shay. Hein? Déjà. Et la chose de dire, est-ce que yuhitu bihi kada ou yuhitu bihi kada, ça, de toute façon, Ahlus Sunnah, ils ne l'ont pas dit. Donc vous dites quelque chose que les sunnahs ne disent pas. Nous, on s'est arrêté à quoi ? On s'est arrêté à la parole de quoi ? De laïsa kamith li shay. Voilà. On ne peut pas imaginer un être qui nous a dit lui-même laïsa kamith li shay. Ça, là. Donc c'est parce que vous êtes imaginé cette chose-là, d'accord, hein, que après vous êtes tombé dans toutes ces contradictions-là. Mais le mas'ala de l'ulou, c'est quand même une mas'ala qui est très importante. C'est une masala qui est très importante à connaître et des livres ont été écrits dessus. Des livres ont été écrits sur cette masala. On avait dit, il y a l'imam Dhahabi qui a écrit Al-Ulu. D'accord, dans la majorité des livres de Al-Aqida sont cités cette masala-là. Est cité cette masala-là, Ayn Allah, d'accord. Et le prophète, alayhi salatu salam, lui-même a posé cette question. Ayn Allah, à la Jariya, que vous connaissez. Et ils disent même qu'il y a plus de mille dalils qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Alors, chacun a son interprétation du ulu, surtout quand il parle de l'istiwa. Et comme on a dit, souvent ils utilisent le terme istawla. Ils fassent l'istiwa, ils interprètent l'istiwa, qui est le fait de s'élever au-dessus d'eux. C'est ça que ça veut dire, istawa ala, d'accord, avec le harf ala. Ça veut dire s'élever au-dessus d'eux. Eux, ils disent non, istawla. Ils disent istawla et ils se basent sur le bait de... le bait d'un homme qui s'appelait Al-Akhtal. Al-Akhtal, c'était un Nasrani. Et qui disait, qui avait écrit un vers de poésie en disant, hein, « وَقَدْ إِسْتَوَى الْبِشْرُ عَلَى الْعِرَاقِ » Et le bishr, hein, « إِسْتَوَى عَلَى الْعِرَاقِ » C'est-à-dire, le معنى, il a réussi à manifester sa force et sa plénitude à qui ? Au Irak. D'accord ? Alors, en prenant ce bait-là, tous les mubtadi'a qui sont venus derrière Ils ont dit, ben, stawa, ça veut dire stawla. D'accord ? Ça veut dire que leur tafsir, ils ont oublié le tafsir des salafs. D'accord ? Ils ont oublié le tafsir des salafs qui est connu. Hein, Ibn Kathir te dit que le masala de l'istiwa, ça tourne autour de quatre mots. Sa'uda, irtafa'a, wakada, wakada. Mais tous qui ont la même ma'na, qui ont la même ma'na, le même sens qui veut dire riche, s'élever au-dessus d'eux. D'accord ? Eux, non. Le Mubtadi'a, ils ont créé un bait d'un Nasrani, non pas d'un muslim, d'un Nasrani, et ensuite, hein, pour faire le tafsir de Istawa. Chacun a son interprétation. Chacun, il a son interprétation. Mais à la fin, comme Abu Hanifa, ça c'est son jugement, à la fin, lorsque une personne connaît toutes ces preuves-là, et qu'il refute, et qu'il n'accepte pas le fait de dire qu'Allah il est au-dessus de son trône, Abu Hanifa le kafar. Abu Hanifa dit, celui qui refuse de dire qu'Allah il est au-dessus, hein, du ciel, wakada, il a dit hada kafir, parce que premièrement il y a énormément de dalil qui le prouvent, hein, wa huwa alladhi ilayhi yarfa'u al-kalim at-tayyib wa al-'amal as-salih yarfa'u ar-rahman 'ala al-'arsh istawa wa Allahumma ashhad, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ça avec son doigt et il a montré vers le ciel, Aïna Allah, qalat fi sama, man ana, qala Rasulullah. Si on commence à ramener les adillah, et même, ils ont même dit le ulama la fitra. C'est-à-dire que quand tu fais dua, ton cœur se dirige vers où ? Se dirige vers le bas, à droite, à gauche ? Kif ? Se dirige directement vers le ciel. Ça veut dire que même dans ta fitra, tu sais qu'Allah il est au-dessus de Hish. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toi. Donc lui, Abu Hanifa, voit que c'est un kafir, celui qui dit et qui refuse le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Et ça, c'est le qawl sahih. Et Cheikh Al-Uthaymin lui-même a rajah ce qawl-là. Cheikh Al-Uthaymin dit qu'à partir d'un certain moment, la personne s'entête et dit non, Allah, il n'est pas au-dessus de ce, malgré qu'il a vu toutes les preuves, etc. Là-bas, c'est un tukafirahu bi'ayni. Quand on dit bi'ani, ça veut dire foulan kafir. Vous avez compris ? C'est-à-dire celui qui est là, il dit non, Allah, il n'est pas au-dessus, il s'entête, tu le ramènes tous les délits, il te ramène toutes les ta'wilettes possibles. Hada, ce n'est plus un. C'est plus un muslim. Vous avez compris, Inch'Allah ? Hada, c'est plus un. Pourquoi ? Parce que yukadhib Allah wa yukadhib Rasul, ça, il est en train de faire le takdhib d'Allah. Et lorsqu'on parle de takfir, ikhwan, et on répète encore une fois, le takfir, quand ils disent iqamat al-hujja, sur la personne, ils disent que, les ulama, ils ont dit que c'est ça, c'est dans les questions qui sont quoi ? Qui sont subtiles. D'accord ? Les questions fiha rumud. Mais les questions qui sont claires, tu n'as pas besoin de faire iqamat al-hujja. En France, quelqu'un vous dit, un musulman, il dit non, le porc, à partir d'aujourd'hui, c'est halal. Et il vous dit non, le porc, c'est halal. Taïb. Même les kuffars savent que les musulmans ne mangent pas de porc. Alors, ce n'est pas un musulman qui ne va pas le savoir. Vous avez compris ? C'est vrai ou c'est faux ce que je vous dis, hein ? Déjà, ils se battent sur le halal, les muslimines. Alors, ce n'est pas... Donc, tout ça pour vous expliquer que les questions de takfir, les frères, les questions de takfir, les ulama, quand ils en parlent, ils disent quand la chose, elle est claire, hein, comme ça, comme cette mas'ala-là, la mas'ala du ulou, c'est clair. En vérité, elle est claire. Tu vois, tu ne dois pas insister beaucoup afin de pouvoir convaincre la personne. Tu lui sors un verset, deux versets, le hadith, Aïn Allah, et il continue. Aïn Allah, le professeur sallam, il pose la question avec le Aïna, avec cet article-là, Aïn Allah, où est Allah ? Et l'Algérie, elle dit quoi ? Elle dit, fils sa main. Il y a plus clair que ça ? Vous voulez quoi ? Vous voulez qu'un hadith dit... Khalas, le hadith, khalas, il a haddad, c'est vrai, c'est faux. Il a montré où est-ce qu'il y a Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tu le ramènes le hadith dans Sahih Muslim, tu le rapportes, tu lui dis, hein, regarde ce qu'il a dit. Normalement, il doit s'arrêter, ça. S'il s'entête, là, ben, c'est un truc à faire. Pourquoi ? Parce que c'est une mas'ala, c'est une question qui est claire. Et le ta'lim de l'aqida, l'enseignement de l'aqida, ikhwan, nous enseignons walillahi alhamd l'aqida et en même temps nous réfutons aussi ahl al-batil. Parce qu'il y a des gens, hein, malheureusement aussi des gens qui ne comprennent pas, hein, le message de cette da'wah là, disent que nous insistons sur les masalas de takfir. Vous voyez pourquoi vous parlez souvent du takfir, après les musulmans, plutôt que d'enseigner l'islam, na'am, plutôt que d'enseigner l'islam, vous faites quoi? Vous parlez que de takfir à longueur de journée. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'on enseigne l'islam, et après celui qui mérite le takfir, hein, et ben il le prend le takfir, il prend ce jugement-là, vous avez compris ça, Inch'Allah? On fait cette double action, on l'a fait, hein, on l'a fait, walillahi alhamd, on l'a fait comme on peut, c'est-à-dire on enseigne, il fait nafs al-waqt, à la fin, ça sert à quoi que tu apprennes toute cette aqidah-là, et après tu fais tout le contraire de cette aqidah-là? Dites-moi, ça sert à quoi? On pose la question aussi. Ça sert à quoi que tu apprennes le tawhid, et qu'à la fin, le mouchrik pour toi, un mouchrik peut être un muslim? Ça sert à quoi? C'est vrai ou c'est faux? Taïb, ça sert à quoi que tu apprennes? Que tu apprennes que cette aqida de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du ciel et au-dessus de son trône, et qu'à la fin quelqu'un qui dit ça, tu fais tout pour l'excuser, pour dire que ce n'est pas un, pour dire que c'est un musulman, que c'est quelqu'un de, hein, qu'il est ma'adour, etc., ça sera auprès d'Allah, etc. Vous avez compris, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que tu apprennes une aqida, et à la fin quand on te demande de pratiquer, de mettre en pratique cette aqida, hein, quand il faut déterminer telle personne ou décrire telle personne, non, là tu es tout plein d'hésitation, etc. Non, le musulman, il faut qu'il soit établi dans sa aqida, sinon ça sert à quoi? Et quel est l'intérêt même que je vous dis ça, à part le fait d'être vous-même, être sûr de votre aqida? Vous avez compris ça, les frères? Donc hein, quand il y a des mas'a'il, c'est-à-dire des questions à mettre en pratique dans la aqida, il ne faut pas hésiter de les mettre. Un jahmi, c'est un kafir. Quelqu'un, tu lui montres l'épreuve et tu lui montres que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus des cieux, il s'entête, c'est un kafir. Et chez l'ishkal, tu vas attendre qu'il y ait un tampon signé avec une fatwa, etc., pour que ça soit un kafir? C'est pas comme ça. Si toi tu lui as montré l'épreuve, tu dis khalas, laqad kafart. Si toi tu insistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ayna Allah, la jariya dit fis sama. Je te ramène le hadith, il est sahih muslim. Tous les ulama, et surtout même si c'est des magharibas, parce que ça peut être des magharibas, quand on dit magharibas, c'est toute l'Afrique du Nord, hein, comme ça on ne haddate pas, hein, et ben le livre le plus sahih pour eux, c'était quoi? Kana yufadhiluna ish sahih muslim ala sahih al-Bukhari. Vous saviez ça, hein? Il voyait que Sahih Muslim, il était au-dessus des... Et même dans sa sénara, etc., dans la manière comment il a été écrit, etc., etc., etc., il préférait Sahih Muslim à quoi? À Sahih al-Bukhari. Donc personne aujourd'hui peut venir, si maintenant on leur amène un hadith de Bukhari et un hadith de Muslim, d'accord, il te dit non, je ne crois pas en ce hadith-là, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, etc. Khalas. Toi, tu vas insister jusqu'à qu'il comprenne. Vous avez compris? Non. Toi, tu lui montres la preuve. Il la comprend, il ne la comprend pas. Tu essaies de lui faire comprendre, il n'arrive pas. Salam alaikum. Vous avez compris? Enfin, c'est plus salam alaikum. Salam ala man tabi'a al-huda. Vous avez compris? Non, il ne faut pas. Talib ilmi peu. Mais il n'y a pas d'ishkal. Il montre le haq. Après, il ne fait pas de machakil aussi. D'accord? Mais si tu vois, il y a des gens, maintenant, ils sont en tête. Maintenant, ils font le kufra alanan. Maintenant, il mécroit en Allah. Regardez, là, il y a la personne, l'Ash'ari, là, qui est venue à la mosquée, hein, c'est ça? Il est venu hier, l'Ash'ari, là, qui défie tout le monde, là. Hein? Qui dit que plus de 100% des... plus de 100%, plus de 90%, je ne sais combien, des ulama sont tous des Ash'ari. Et maintenant, il se lève sur un minbar. Il se lève sur un minbar et... Hein, il peut faire ses khotab, maintenant, tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les gens qui... Il n'y a plus les hommes qui montrent le haqq. Vous avez compris? Il n'y a plus les hommes qui montrent le haqq, il y a la petite élite là qui se bat entre eux, hein, et après on laisse des gens en riche, on laisse des gens comme ça, des catastrophes, enseigner des fausses croyances aux musulmans. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et ça c'est grave, ça c'est grave. Donc l'Asha'ira, comme je vous ai dit, il faut bayen, il faut hadar, il faut mettre en garde. Et c'est eux qu'il faut absolument harab, c'est-à-dire s'opposer à eux de la manière que tu peux. Hein, et d'éradiquer ces haqa'id-là, de les effacer, min qulub al-muslimin, c'est-à-dire des cœurs des musulmans. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui se passe, et c'est ce qui est muntasha. D'accord? Donc je répète encore une fois, les masaïl sur lesquels le takfir est interdit directement, c'est les masaïl qui sont subtils. Après, c'est vrai que la subtilité, c'est relatif. Parce que par exemple, en France, hein, on va tout faire quand même pour montrer la hujja à la personne. Même si c'est clair, je vous le dis aussi, même si c'est clair, on montre la hujja. Mais si après toi tu lui montres la hujja, tu lui dis voilà, ça y est, maintenant c'est clair. Pourquoi je vous dis en France? Parce qu'en France, il n'a pas enseigné, il n'a pas eu un enseignement religieux. D'accord? Quoique des fois, il y a des villes et il y a des endroits où il y a plus d'enseignements religieux et à l'état pur, hein, ça veut dire que le pur islam, c'est-à-dire la vraie sunna, etc., hein, dans des endroits en France que dans des endroits, dans des pays musulmans. C'est vrai, c'est faux. Hein, ça existe, ça, ou pas? Ça existe, subhanallah. Donc, il faut quand même avoir une certaine précaution avant le truc, mais une fois que tu as bayyan la hujja, tu lui as montré la hujja, tu lui as dit, voilà, khalas, khalas, là, bah, c'est l'ishkel, il est où l'ishkel? T'apprends tout ça pour rien? Vous avez compris? Toi, moi je vais vous poser une question. Mathalan, ton boucher, on va prendre un exemple normal. Ton boucher, il adore un mort. Il va, il adore un mort, il se bat pour Sidi Foulen. D'accord? T'achètes de la viande chez lui? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Il te faut peut-être un tampon là. Attends. C'est peut-être, attends, il y a Qamat Hujja, tout ça, tout ça, tout ça. Hein, il y a Qamat Hujja, tout ça, il faut le tampon là. Hein, je me pose la question. Hein, pourquoi tu ne vas pas chez lui? Parce qu'il fait l'acte. Il fait l'acte, il va être. Donc tu as un doute sur son islam déjà. Ça, là, là. Au minimum, ça, c'est que tu as un doute. Bah, n'aie pas un doute. C'est ça que je vais t'expliquer. N'aie pas un doute. Parce que sinon, on va avoir un doute sur toi-même. Si toi, tu es un musulman ou pas, est-ce que tu comprends qu'il est en train d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Vous avez compris ça, inshallah? Ben voilà. Donc ça, c'est des questions qu'on va mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Ça, c'est pareil à un sha'ari. Demain, il vient, il vous dit, non, Allah, il n'est pas dans les cieux. Il insiste sur ça. Il insiste. Regarde ce qu'il dit Abu Hanifa. Regarde ce que disent les savants sur ça. D'accord? Regarde ce que tu as appris. D'accord? Tu ne mets pas en pratique. Tu vas s'aller derrière lui. Tu vas s'aller derrière lui. Et Allah, et Jibou, et Jama'a. Tu viens, il insiste. Non, Allah, il n'est pas fils de main. Tu vas assister, tu vas s'enlever derrière lui. Vous allez, voilà, tu peux faire cette siyasa de l'imam Ahmed. Hein, tu peux s'enlever derrière lui, après tu la recommences chez toi. Et l'imam Ahmed, il faisait ça avec les Jahmiyyah. Pourquoi j'insiste sur ça, les frères? Parce que sinon, c'est avoir un doute sur sa aqida. Ce n'est pas pour moi. C'est pour vous-même. Alhamdoulilah, nous, mon opposition, moi, sur ça, alhamdoulilah. Mais moi, je vous parle pour vous. Il faut avoir les yaqin dans vos pratiques. Et ces choses-là, ça peut se passer tous les jours. Demain, quelqu'un, voilà, le fils, on va dire la personne qui pareil, qui adore les tombes, qui est bah pour les qobours, etc. Il meurt devant vous, khalas. Il s'appelle Mohammed, il s'appelle Ali, il s'appelle comme tu veux, Sa'arbi, tout. Même le, si tu veux, il descend même du prophète, alayhi salam, hein, on rajoute encore, hein. Il est mené à l'Bayt, si tu veux. Mais il fait du shirk. Et cette personne-là, on va l'enterrer là, il est mort. Qu'est-ce que tu fais? Salli alayhi? Non, mat salli alayhi. Pourquoi? Parce qu'il est shirk. On a dit l'histoire. Il y a deux choses qu'il faut comprendre, les frères. Les questions claires, ça, il ne faut pas avoir de taradot, d'hésitation sur ça. Les questions subtiles, là, oui, c'est le alim qui le montre. Vous avez compris? Là, le alim, il vient, il montre à la personne que ça, c'est une question subtile et il n'a pas le droit d'approcher ce genre de yani, même nous, en tant que talib ilm, etc., on n'a pas le droit de bayin cela, hein, à cette personne-là. C'est le alim qui va lui montrer, ça, c'est dans les questions subtiles. Mais les questions claires. Quelqu'un aujourd'hui vous dit, le liwat, vous savez c'est quoi le liwat? Liwat, ça peut c'est quoi? Hein? Liwat. L'homosexualité. Il vous dit halal. Qu'est-ce qu'il vous dit halal? Ça, c'est une question claire ou c'est pas une question claire, ça? Halas, il vous dit non, il faut le faire, hein, c'est halal. Non, Allah, il n'a pas parlé de ça dans le Coran et qu'est-ce. Même la fitra, elle refuse cette chose-là. Que dire alors des religions? Même les autres religions. Que dire alors si tu es dans la religion du haqq qui est l'islam? Vous avez compris? Donc on vous dit, on répète, il y a des questions qui sont claires. Donc pourquoi? Parce que ça remet en question le Coran, les frères. Le Coran, est-ce qu'il a parlé des choses, des questions qui sont claires? D'accord? Il a parlé des choses qui sont claires. Attribuer un enfant à Allah. Allah, il en a parlé dans le Coran. Ça, c'est une question claire. D'accord? La zina, il en a parlé, Allah, dans le Coran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda. Il n'est pas plus clair. Surat al-Nur, la première page. صح? طيب, le fornicateur, le طيب. Ça, c'est clair ou c'est pas clair, zina? Zina, donc, c'est prouvé dans le Coran que c'est quoi? C'est haram. صح, ou là? Donc, les questions qui sont claires, les choses qui sont claires, que le Coran a montré, le Coran suffit. Comme preuve, le Coran suffit. Après qu'il est parti lui regarder ou il n'est pas parti regarder, c'est son problème ça. Mais qu'il ne dise pas des choses dans la religion d'Allah qui sont quoi? Qui sont fausses. Vous avez compris? Parce qu'il ment sur Allah. Après je dis, même dans ces cas-là, je vous le dis, hein, même dans ces cas-là, c'est mieux quand même de lui montrer. D'accord? Pour être sûr encore plus. Mais si après toi, si après cela, tu doutes encore, que non, ça se trouve, il est musulman. Yahri, révise ton islam. Yahri, révise l'islam sur lequel tu es. Parce que dans l'islam, il faut savoir classer. D'accord? Classer celui qui est musulman et celui qui ne l'est pas. Ça rentre aussi dans le tekfir, dans le kufr, bittarout, on a dit. D'accord? Regardez ce qu'ils ont fait, ceux qui étaient avec Ibrahim. Kafarna bikum, wa bada baynana wa baynakum, al-adawa wal-baghda. Kafarna, regardez, ils ont commencé direct, ils leur ont fait d'abord le takfir à eux. Kafarna bikum, wabada baynana wabaynakum, al-adawa wal-baghda. Abadan hatta tu'minu billahi wahda. Donc le takfir du mushrik, le takfir de celui qui veut rendre halal ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram ou le contraire, ça fait partie de usul de ton din. Sinon, on ne va pas mettre des gens qui ne sont pas musulmans dans l'islam, sinon on va dissoudre l'islam, là. On va inventer une nouvelle religion. Est-ce que vous avez bien compris ça, Inch'Allah? Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens pensent que telle personne qui est mort, kafir, et qui dit lui-même qu'il n'est pas musulman, lui-même il le dit, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Il dit non, comme il a fait du bien, c'est un musulman. Voilà. Non, comme il a fait du bien, non, Inch'Allah, Inna Nasara, comme avait répondu il n'y a pas longtemps encore, il a dit Inna Nasara, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné certains Nasara, il a rien compris au Coran. Allah ne dit pas Inna alladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ulaika sharru al-bariyya, le pire de la création. Taïb, après tu viens, tu me racontes. Vous avez compris? Donc, dans les questions qui sont subtiles, Il y a iqamat hujja, c'est l'alim qui le fait, c'est le qadi, etc., etc. Mais dans les questions qui ne sont pas subtiles, là. Dans les questions qui sont claires, là. Et après, moi je vous dis, je vous rajoute, vous pouvez lui montrer Menbabesh, hein, pour, on va dire, écarter le doute. Pour écarter le doute, si tu veux, tu rajoutes, tu lui dis, il y a risque que tu as fait, ça c'est du coup. Et lui, après, malgré ça, il insiste. Salam ala, men taba' al-uda, taïb. Ça, faut être sûr, les frères. Parce que moi, je m'étonne. On dirait qu'on a terrorisé les gens sur le tekfir. Le tekfir, c'est parti de ton din. Faman yakfur bittarut, wa yu'min billah. Donc, toi, la première étape de ton din, c'est le tekfir. C'est la première étape. Déjà, tu c'est ce que Ibn Qayyim parle et dit, c'est la tahliya thumma at-tahliya. Vous avez compris? Un peu comme le système que Cheikh l'Albani a voulu faire revivre dans ces temps-là, en parlant de at-tasfiya et at-tarbiya. C'est t'enlèves les mauvaises choses et tu mets les bonnes choses. Vous avez compris? Eh bien, la tahliya, c'est enlever les mauvaises croyances, refuter les mauvaises croyances, d'accord? Il ne faut pas qu'elles n'aient de place dans ton cœur. Et ensuite, le fait de rentrer, comme tu veux, prendre et croire aux bonnes croyances et au bon islam. Est-ce que vous avez compris, Inch'Allah? C'est la ilaha illallah. Vous avez compris? D'abord, tu enlèves et ensuite, t'ithbet. Al-nafi, thumma al-ithbet. Mais si toi, dans le nafi, tu as des doutes, c'est quand même dangereux ou pas? Ah ben oui, parce que demain, il peut se passer quelque chose. Ouais, mais peut-être c'est un musulman. Il n'y a pas de peut-être c'est un musulman. C'est un musulman, c'est un kafir. Vous avez compris? Ça, faut bien faire attention à ça. Et ça, c'est dans le cours. Ça, je le répète, ça, c'est dans le cours. Ça fait partie du cours. Et mas'alat al-ulou, justement, les ulama Et c'est surtout Abu Hanifa qui a insisté sur ça. Masalat al-Ulwi, vous voyez que celui qui insistait, malgré que les preuves lui sont citées du Coran et de la Sunna, et que lui, il insiste, il dit non, Allah, il n'est pas fils de main, kada, kada, et il insiste, khalas, hada laysa bil muslim. Et ça, vous pouvez retrouver sa fatwa dans le livre Al-Ulu de l'imam Al-Dhahabi. D'accord ? Et c'est une question qui faisait un petit peu, qui semait, on va dire, la discorde entre beaucoup de chiyoukhs. Et une des meilleures personnes qui a parlé de cette question-là, c'est qui encore ? C'est Cheikh Al-Islam Ahmed ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Tayyib. Ahmed ibn Abd al-Halim, si je me souviens, ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Alors, ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a écrit un livre. C'est lequel celui-là ? Al-Hamawiyya. Dans le Hamawiyya, dedans, Cheikh al-Islam apporte des textes et cite des textes venant, entre guillemets, de toutes parts, c'est-à-dire de tout tayyar, de tout courant confondu. Il peut ramener le texte d'un soufi, il peut ramener le texte d'un kadhab, mais c'est un alim qui était connu à l'époque, ce soufi-là, par exemple, soit un soufi, soit al-muhim, soit un shi'i, soit kadhab. Al-muhim, je ne me souviens pas qu'il avait ramené de shi'i, mais il avait ramené des gens qui étaient un petit peu influencés par le tasawwuf, etc. Et lui, son but, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah ta'ala, c'était quoi ? C'était, voilà, ces gens-là font partie de votre espèce. Ces gens-là font partie de votre secte égarée. Malgré ça, ils disent qu'Allah est au-dessus de quoi ? Au-dessus de son trône. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Vous avez compris la subtilité, hein, et l'intelligence et la diqqa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Vous avez compris ? Il prend la parole de ces gens-là pour dire, regardez, même d'entre vous, il y en a qui pensent, qui disent ça. Ça, c'est une manière de faire, convaincre les gens d'une manière diplomatique. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Alors lui, il disait, regardez, là, parmi vous, il y a un tel et un tel et un tel, et ils disent tous qu'Allah, il fait sa main. Et ensuite, il a ramené des gens de tous les madhabs, Shafi'i, Maliki, etc. Il dit que malgré leur khilaf dans le madhab, dans l'école de jurisprudence qui suivent, hein, malgré cela, ils ont tous la même aqidah en disant que quoi ? En disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de nous. C'est une erreur aujourd'hui, moi je vous le dis, c'est une erreur aujourd'hui, de dire, hein, qala mathalan directement Cheikh Mohammed, qala Cheikh al-Uthaymeen. Nous, c'est pas pour dénigrer qu'on dit ça, mais eux, s'ils n'ont pas été convaincus par la parole d'Ibn Taymiyyah, c'est pas avec l'Uthaymeen ou avec Ben Bess que tu vas le convaincre. Vous avez compris ? Nous, on ne dénigre pas, au contraire, nous, on prend, et on prend d'eux. D'accord ? C'est nos ulama, ma faute. Mais eux, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous avez compris ? Eux, il faut venir, c'est des malikites, qala l'imam malik. C'est des shafi'ites, qala l'imam shafi'i. Et shafi'i, il a des paroles sur le ulou. Abu Hanifa, il a carrément une fatwa, où il dit, c'est un kafir. Vous avez compris ? Donc toi, tu es en Inde, mathalan, hein, ou là, tu es au Pakistan. Taïb, tu vas venir, tu vas leur dire qala l'imam malik. Pour certains, peut-être ça va marcher pour certains, mais pas pour tous. Tu vas leur dire quoi ? Qala Abu Hanifa sur la mas'ala du ulou. Après, sur les autres mas'ala qui, par exemple, hein, il y aurait des khilafs, etc. Là, c'est autre chose. Mas'alan, je sais que sur l'iman, il y a quelques petites machakels chez les hanaf. D'accord ? Sur l'iman, sur la aqida qu'il faut avoir dans l'iman. Après, les ulama, à la kulli hal, ils sont en khilaf sur ces positions-là. Mais en tout cas, sur la masala du ulou, j'insiste, sur la masala du ulou, et j'insiste, hein, il faut absolument bayen aux gens cette masala et ne pas dire, comme certains disent, oui, c'est une masala qui met la discorde et c'est une masala qui fait la fitna, et etc. etc. Non, le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné cette aqidah-là à qui ? Hein ? A posé la question à qui ? À une servante. Les ulama, ils ont dit tellement la aqidah, elle était claire, tellement la croyance, elle était claire, c'est que, tellement c'était clair, Même les servantes et les enfants de bas âge, d'accord, avaient cette aqidah-là. La preuve, c'est que le maître, qui l'avait lui-même frappé, cette servante, et en plus, qui a ensuite été, par compensation, on va dire, hein, et pour effacer cette erreur, eh ben, il a été obligé d'affranchir cette servante-là, cette esclave. Mais il n'empêche que ce sahabi l'a bien enseigné. Il lui a enseigné la bonne aqida, vous avez compris ? Il lui a dit Aïn Allah, il lui a dit Fissama, Man Ana, il lui a dit Rasulullah, direct. Vous avez compris ? Donc ça prouve que la aqida, la bonne croyance, était muntashira, était répandue, et c'était que cette bonne croyance-là qui régnait dans les cœurs des musulmans. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Et faut pas dire que c'est une masala qui va causer le khilaf, etc. etc., etc. Non, bien au contraire. Si les gens, en plus, tu vois qu'ils ont des fois des doutes, ou alors qu'il y a des asha'ira qui viennent, comme celui qui est venu hein, dans cette mosquée-là et qui a voulu... Et lui, attention, il va faire sa da'wah. Hein. Lui, il va rentrer, il va commencer un truc, des vidéos, il va commencer à lâcher son sem, son poison. Ma foum. Donc non, là, à partir du moment où il y a, entre guillemets, la pénétration du adou hein, au sein des muslimines, khalas, là, directement, on montre la bonne aqidah. Vous avez compris, inshallah. Ça, c'est impératif. Et ça fait partie de Al-Amr bil-Ma'ruf ou Al-Nahyu anil munkar. Est-ce que vous avez compris, inshallah, les frères ? Donc, la mas'ala du ulou, c'est une mas'ala sur laquelle. Hein, et c'est une mas'ala qui est claire. Qui est claire, peut-être pas pour tout le monde, c'est vrai. Que je dis, il faut quand même insister, il faut quand même essayer de ramener les preuves. D'accord ? Mais à la base, elle est claire. La fitra, même ta fitra, te dit quoi ? Te dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus, ça, là, là. Subhanallah, vous connaissez quelqu'un qui a fait du'a comme ça ? Ou comme ça ? Hein ? Il fait comme ça, et il baisse la tête. C'est vrai, ça ? Ça, là, là. Léj, pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait pas ça ? Ça, il fait ça, pourquoi ? Parce qu'il sait que Allah, il est fils sa main. Il dit « Wabihi ulima anna tariq al-asha'ira wal-maturidiyya fi asma'i Allahi wa sifatihi » وما احتج به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. طيب لي ينيس Non, c'est pas avec ça. Là. Juste avant, la phrase qui est juste avant, alors. C'est par cela. Ouais. C'est par cela que l'on sait que la voie des Ash'ari et des Maturidi, concernant les noms et les attributs d'Allah, et ce avec quoi ils ont argumenté, ne peut repousser les ambiguïtés des Mu'tazila et des Jahmi, et cela pour deux raisons. La première raison est leur voie est une voie inventée qui n'avait pas, que n'avait pas emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les prédécesseurs et les imams de la communauté. Une invention ne peut être repoussée par une invention, mais elle est repoussée par le sunnah. Tayyib. Donc, une bid'a, ça c'est une erreur, les frères. Il y a des gens qui prennent le raisonnement bid'i, le raisonnement d'innovation, innovateur, que certains ahl bid'a ont utilisé pour réfuter. Hein, pour réfuter à d'autres ahl bid'ah. D'accord ? Toi, tu peux dire, regardez, votre raisonnement à vous, le fait que vous êtes en désaccord avec les autres, ça prouve encore vos contradictions. Et ça prouve que vous ne pouvez pas vous mettre d'accord. Toi, tu peux prendre ce côté-là pour dire quoi ? Pour prouver la fausseté hein, de leur raisonnement et de leur aqidah. D'accord ? Mais toi, en tant que musulman et en tant que sunni, tu ne dois pas faire la même chose que eux ils font. C'est-à-dire prendre un raisonnement de toi-même. Parce qu'il faut faire attention, il y en a certains, ils veulent faire un raisonnement d'eux-mêmes, de leur propre logique, etc. Et ensuite réfuter sur ces gens-là. Non, ça, ce n'est pas une bonne manière de faire. Vous avez compris ? Tu dois d'abord prendre la tariqa du prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que les sahaba. Est-ce que ça a été dit au temps des Sahaba? Est-ce que ça a été fait au temps des Sahaba? Est-ce que toi, à chaque fois, tu remontes même pas aux premières générations, tu remontes d'abord au prophète, alayhi salatu salam. D'accord? Tu vas même pas à l'imam Malik. Tu vas même pas à l'imam Shafi'i. Non, d'abord, tu remontes tout ça. Tu remontes le temps jusqu'où? Jusqu'au prophète, alayhi salatu salam. D'accord? Et les Sahaba. Et tu dis, est-ce que ça, c'est une tariqa pour affirmer telle chose ou réfuter telle chose? Vous avez compris? Vous avez compris comment il faut faire? Et ensuite, tu pourras prendre la parole de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i. Ça, c'est après. Mais tout d'abord, tu dois faire revenir, par exemple, l'histoire de ces mots-là, Asha'ira. Ils disent bien que c'est des Asha'ira, c'est vrai ou c'est faux? Taïb Ash'ari, Asha'ira, d'où ça sort? Ça sort d'Abou al-Hassan al-Ash'ari, etc. Mais Abou al-Hassan al-Ash'ari, il a fait un livre. Et il a fait Tawba dedans. Ouais, mais non, c'est pas vrai. D'accord, c'est pas vrai. Alors, pourquoi il est mort comme ça? Et pourquoi il a dit ça? Et pourquoi il y a eu tel livre? Et pourquoi il y a tel shir qui a dit que oui, effectivement, c'est ce livre-là, c'est lui-même qui l'a écrit, etc. Al-Iban, pourquoi il l'a écrit? Vous avez compris? Taïb. Donc, et même, s'il n'avait pas fait Tawba, et même s'il n'avait pas... fait Tawba et qui serait resté sur cette aqidah là, eh ben nous notre aqidah on la prend d'où? On la prend d'Abou al-Hassan al-Ash'ari ou on la prend du prophète alayhi salatu salam et de ses sahaba? Les sahaba sahaba. Donc on revient en arrière, on dit non. Vous avez compris? Faut toujours revenir au prophète alayhi salatu salam. C'est Allah lui-même qui le dit, "Ikhtalaftum fi shay'in faruddu ila Allah wa Rasul." Hein? Si vous êtes en divergence sur quoi que ce soit, revenez à Allah et à son prophète, alayhi salatu salam. Les ulama, ils ont dit, revenir au prophète, alayhi salatu salam, de son vivant, c'est d'aller le prendre comme juge. Parce que c'était lui le juge. C'était lui le hakim. D'accord? Et c'était lui le chef. Hein, c'était lui le gouverneur aussi, alayhi salatu salam. D'accord? Et c'était lui le juge, alayhi salatu salam. Walakin, du fait qu'il est mort, après sa mort, c'est quoi? C'est revenir à sa sunnah. Est-ce qu'il y a un seul enseignement qui raconte là vos choses là? Oui, alors le aql, oui, le makan, kada, kada, kada. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça a été cité? Regardez leurs livres, il n'y a aucune preuve. C'est que des raisonnements rhétoriques. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans ilm al-kalam. Et ilm al-kalam, on a dit, quand ils ont dit ilm al-kalam, ce n'est pas la science de la parole, la science, c'est la science. Ilm al-kalam, c'est le fait de parler sur Allah sans science. C'est plus ça. Vous avez compris? Et on a dit d'où ses origines, etc., d'où ça venait. Donc nous, on peut prendre leur raisonnement bid'i, leur raisonnement à eux, qui est bid'i, et dire, de par cela, regardez ça, ça prouve que vous-même, vous n'êtes pas d'accord. Et que vous-même, vous vous contredisez. Mais nous, jamais on va prendre ce raisonnement-là pour pouvoir affirmer une chose ou ne pas l'affirmer. D'accord? Nous, on va prendre la tariqa du prophète alayhi salatu salam et des sahaba. Est-ce que vous avez bien compris? Et ensuite, pour bien compléter cela, on va vous apporter la parole de vos imams dans le fiqh que vous-même vous suivez. Parce que les ahbash, par exemple, ils suivent les shafi'is dans le fiqh. Vous avez compris? À Sofia, par exemple, beaucoup de Sofia de nos jours, ils suivent qui? Soit les ahnaf, soit les hanafites, ou soit les malikites dans le fiqh. D'accord? Et attention, ils maîtrisent le fiqh. Beaucoup d'entre eux maîtrisent le fiqh. C'est vraiment une maîtrise. Ils connaissent bien. Au fond, il y en a même qui connaissent bien le Coran. Ils maîtrisent le Coran. Mais ils maîtrisent aussi leur bid'a. Hein? Mais étant toi, il faut que tu maîtrises aussi quoi? Toi, il faut que tu maîtrises l'aqida pour ensuite les récupérer. Ces gens-là, c'est un rabh, c'est une gagnotte. C'est gagner, c'est réussir. Quand tu arrives à le ramener vers Ish. Hein? Vers la sunna. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a le Coran, parce qu'il a le fiqh, hein, parce qu'il a ça, parce qu'il a ça. Lui, tu as juste à effacer la mauvaise aqidah qu'il a et lui donner une bonne aqidah, aqidah de salaf. Et là, masha'Allah, tu as tout gagné. Parce que demain, après, il peut faire des fatwas sur le madhab, il peut faire énormément de khair. Et notre but, c'est de les récupérer, non pas simplement de lui coller une étiquette, bon, vous êtes des mubtadi'a, salam alaykoum. Ça, c'est quand tu désespères de lui. D'accord, c'est là, ça c'est quand il a entêté. Mais si tu vois du khair et si tu y as possibilité de le récupérer et lui donner des livres, etc. Là, par exemple, il y en a un qui fait des vidéos sur le net, qui s'appelle Zakir. C'est un élève de, je crois, d'Ahmed Didat. Hein. C'est celui qui faisait beaucoup de niqash avec le Nasara. D'accord? D'accord ? Lui, Zakir, vous voyez, c'est qui ? Quand il parle avec les athées ou les hindouistes, etc., parce que lui, c'est un indien, d'accord ? C'est un indien, il est indien. Et tu le vois avec des lunettes, des petites chachillas, etc. Et voilà. Et lui, il connaît le Coran en plusieurs langues et très intelligent et il l'ahfad avec quoi ? Il l'ahfad avec le raqam et la safa. Ça veut dire qu'il te dit verset tel surat, tel verset. Allah dit ta ta ta ta ta ta et ensuite il le traduit. Et il leur fait des redoutes, masha'Allah. Franchement, pour faire revenir, on va dire, des gens du kufr, de l'athéisme, du ilhad, de même des chrétiens, de même des hindouistes, etc., il arrive à les faire revenir vers din al-islam. Alors, nous, il y a un cheikh, un indien, hein, un cheikh qui nous a dit que lui, en fait, ils étaient en train de lui faire da'wah. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il a des mukhalafats. D'accord ? C'est vrai qu'il a quelques mukhalafats, des choses qui ne sont pas, qui sont un petit peu opposées à notre dîn. D'accord ? Yani, le muhim, il y a des choses qu'il dit et qui sont fausses. C'est vrai. D'accord ? Mais c'est pas... Yani, eux, ils ont considéré que celui-là valait mieux le récupérer. Vous avez compris ? Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Ils lui ont donné des cassettes de Cheikh Al-Uthaymin. Des cassettes de Cheikh Al-Uthaymin du livre là qu'on est en train de prendre. Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Et Cheikh Al-Uthaymin a fait quoi ? A fait l'explication de ce livre-là en audio. Alors ils lui ont donné des cassettes et là maintenant, il dit comme dit Cheikh Al-Uthaymin dans telle cassette, comme dit Cheikh Al-Uthaymin dans tel truc. Maintenant il est en train de revenir à Aqidat al-Salaf. C'est-à-dire lui, ce qui lui manquait, c'était quoi ? C'est d'avoir une bonne Aqidat. Vous avez compris ? Mais pourtant, pour faire revenir des hindouistes, en plus, il faut y aller. Hein. Un hindouiste, mon frère, c'est le kharab là-dedans. Ils ont je ne sais pas combien de divinités, eux. Hein. C'est des milliers de divinités qu'ils ont. C'est Allah musta'an. D'accord ? Taïb. Et il arrivait à les faire rentrer, à leur faire dire la shahada, shahadu an la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah, et que celui qui mérite l'adoration, c'est qui ? C'est Rabbil Alamin, et c'est quand même bien. Bon, alors, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont un petit peu baissé l'œil sur les mukhalafats qu'il avait. Il a dit, puisqu'il arrive à avoir du neuf et à être utile de cette manière-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lui donner les outils pour. D'accord ? Et plein de chouyouk et plein de ulama qui étaient vraiment égarés, les frères. Vraiment égarés. En écoutant les doros de Cheikh Al-Uthaymin, parce que Cheikh Al-Uthaymin, il a une tariqa, il faut l'écouter, hein, il a une tariqa pour te ramener la aqidah d'une manière, mais tu peux pas, Allahu a'lam, mais tu peux pas trouver mieux. Hein? Il te parle avec d'abord les versets, et ensuite il te parle avec les hadiths, la sunna, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait la aqidah aux gens, etc. Et ensuite il te ramène le aql. D'accord ? Il vous ramène, mais la raison est saine, l'aql sahih, et pas l'aql, hein? Hacha, Cheikh Al-Uthaymin, hein, taïb. Et il vient et te dit, et même le aql le prouve. Et ensuite il ramène les dalils. Tac, tac, tac. Et lui, Cheikh Al-Uthaymin, il a vraiment été imprégné par les livres de Cheikh Al-Islam. Cheikh Al-Islam, en vérité, quand on regarde pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé de cette manière-là, ou même ces chouyoukhs-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé, c'est parce qu'il voulait le nush pour la Ummah. Il voulait le khair pour la Ummah. Quand tu veux le khair pour la Ummah, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Vous avez compris ? Il va t'aider, il va même te donner les futuhats, il va même te faciliter, hein, l'éloquence et la manière et les moyens, il va même te donner les moyens pour faire revenir un maximum de gens vers le haqq. Et c'est ce que ces gens-là ont réussi à faire. Et donc ce Zakir, là, comment il s'appelle là ? Ouais, Naik Zakir Hada, et bien lui, alhamdulillah, on m'a dit maintenant, wallillah alhamd, il dit beaucoup, hein, il revient beaucoup au doros de Cheikh Al-Uthaymin dans la Aqidah. Et il a été convaincu directement. Parce que c'est des gens, il s'est adressé, Cheikh Al-Uthaymin, en enseignant la Aqidah, il s'est adressé, c'est-à-dire avec ses audios qui sont connus, il s'est adressé à tous les publics. Le plus intelligent, comme celui qui ne peut... pas celui qui a du mal à comprendre. Celui qui a du mal à comprendre jusqu'à la personne la plus intelligente, il a réussi à avoir un discours qui englobe ces deux personnes-là. De l'étudiant à celui qui ne comprend rien, à celui qui va jusqu'au intelligent, jusqu'au savant. C'est pas agible, ça. Ça, c'est difficile, ça. Et ça, c'est l'alam. Le alim, ce n'est pas celui qui vient avec des paroles compliquées. Tu as compris ? Le alim, c'est celui qui arrive à encadrer tout le monde dans sa da'wa. Vous avez compris ? Utiliser les mots essentiels et élémentaires pour ramener les gens vers quoi ? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris ça, inshallah ? La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Quand tu viens, hein, tu viens avec un langage qui est un petit peu trop mathématique, etc. etc. là, il y a des gens, ils ne vont pas s'approcher de toi. Ils disent non, ça c'est trop compliqué, ça se voit que ce n'est pas pour moi, etc. Là, lui, il arrive à parler à tous les publics. C'est ni'ma, ça. Et c'est ça, la vraie science. Inch'Allah. Et wallah, en lisant rien que ce livre-là, regardez, même vous, on lit, on est en train de lire en français. C'est pas clair. C'est clair, comme l'eau de roche, subhanallah. C'est clair ou pas ? C'est clair. T'as besoin. Même Cheikh Al-Uthaymin, dans son charh, et je vous l'ai dit ça au début, il dit, il n'y a pas besoin de ta'liqat. J'ai pas besoin de faire une explication à ce livre-là, en vérité. Parce que ce livre-là, il est clair. Voilà. Et il y a le khatib, si je me souviens bien, qui disait, celui qui écrit un livre, quiconque écrit un livre, qu'il sache qu'il a posé son aql dans un plateau. Vous avez compris qu'il a posé son aql, c'est-à-dire son esprit, dans un plateau. Quand il a voulu dire ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le livre il est clair et il est bien fait, etc., ça veut dire que, regardez, ça aussi c'est un effet, hein, c'est un des fruits, on va dire, de la aqidah. Regardez, il vient, il vous pose une chose claire et il arrive à mettre tout le monde en contradiction, c'est-à-dire tous ceux qui râlent cette aqidah-là, il arrive à les mettre en contradiction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Hein ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le haqq. Comme le Coran. C'est-à-dire que c'est le haqq. Coranul mubin. Clair. Ça, vous avez compris ça, Inch'Allah ? Eh bien, lui, le khatib, il disait, celui qui écrit un livre, hein, c'est comme s'il avait posé son... Mais maintenant, quelqu'un, il fait un livre, tu lis le début, tu lis le milieu, tu lis la fin, tu comprends rien, c'est tout mélangé, etc. Tu dis, mais ce qui est lui, il doit être malade dans son cerveau, celui qui l'a écrit. Oh, c'est faux. Hein? Ou alors est-ce qu'on te redit là une page juste avant, une page juste après? C'est mélangé. Tu sens que la personne lui-même il va pas bien psychologiquement, il a besoin de se soigner. Hein? Ça, oh là là. Même à celui qui vient qui te pose les choses clairement avec des taximètres et te dit il y a que ça. Essaye toi-même de chercher le bâtel après ça. T'arriveras pas. Wallah, que même en ramenant des shubuhat, et je suis parti voir leurs shubuhat et j'ai écouté, j'ai regardé, qu'est-ce qu'ils disent. Ça tient pas debout devant ça. Rien du tout. Tu es capable de réfuter n'importe quel choubra qui vient de chez eux. Allah et l'âme de ça fait partie de la ni'ma de l'islam et la clarté de ce message-là. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه من أعلى الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي فلماذا تحرمون علينا نفي نفيناه c'est bizarre ça hein نفينا c'est ça hein نفي نفيناه non c'est ça بما نراه دليلا عقليا moi c'est écrit comme ça en tout cas بما نراه دليلا عقليا دليله السمعي فلنا عقول كما أن لكم عقول عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية Alors, tu peux dire l'ash'ariya ou l'ash'a'ira, il n'y a pas de mal. Wal maturudiyya, wa la madfa'a li dhalika, wa la mahisa anhu, illa bir rujou' li madhhabi s-salaf, alladhina yatruduna hadha al-bab, wa yuthbituna lillahi ta'ala min al-asma'i wa sifati ma athbatahu li nafsihi fi kitabihi aw 'ala lisani rasulihi sallallahu 'alayhi wa sallam ithbatan la tamthila fihi wa la takyif. وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور طيب دي صار la deuxième raison est les Mu'tazila et les Jahmi trouvaient se servir des arguments prouver ce qu'ils ont nié contre les Ash'ari et les Maturidi. Alors là, il y avait une bagarre entre eux. Hein? Mu'tazila, al-Jahmiya et l'Ash'ari, al-Maturidiya. Bon, les Mu'tazila et al-Jahmiya, c'est vraiment, hein, c'est la belle famille. Il hein, faut que je vous dise, ils sont très proches tous les deux. Taïb. Et l'Ash'ari et al-Maturidiya aussi. C'est pareil, c'est des cousins. C'est, hein, ils sont très proches. Taïb. Et bien, ces deux proches, avec ces deux proches-là, c'était la guerre. Cheikh l'Islam n'intervenait même pas sur leur rodoute. Il les laissait faire les rodoutes entre eux. Par contre, quand il voyait, par exemple, si il voyait un rad qui a été fait dans telle question, entre deux sectes, dans la question de l'Iman, etc., par exemple, il les laissait. Par contre, s'il voyait qu'il y avait un rad qu'il fallait faire, comme celui qui manquait à l'époque, c'était la aqida de l'Iman, la foi qu'il fallait avoir, dans quoi dans la foi qu'il fallait avoir dans notre aqidah, c'est-à-dire dans notre croyance, le bab de la foi, le chapitre de la foi. Il a vu qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écrit sur la question, c'est-à-dire la réfutation à la secte la plus répandue et la plus nombreuse et la plus forte, politiquement parlant, qui était qui? Qui était les Ash'ari. Vous avez compris? Et c'est pour ça qu'il a fait son rate à l'Iman. D'accord? Donc, il va donner une règle à Cheikh ici, Cheikh Al-Uthaymin, il va donner une règle qui est très importante, hein, concernant le aql, et qu'on va ensuite vous expliquer plus clairement, Inch'Allah Ta'ala, pour rajouter quelques précisions dessus. Mais c'est pour vous dire, Afwan, c'est pour vous dire qu'il y avait quoi? Qu'il y avait une guerre. Hein, il y avait une guerre entre les Mu'tazila, le Jahmi et le Mu'tazila, c'était presque la même chose. Et Al-Maturidi et Al-Ash'ira, c'était presque la même chose à quelque chose près. Mais ces quatre sectes-là, hein, s'entretuaient. Hein, alors l'autre, il faisait un rat dans l'autre, et l'autre, il faisait un rat dans l'autre. Et ça prouve quoi encore? وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اِخْتِلَافًا كَذِيرًا. Vous avez compris? Ce qui prouve que ça ne fait pas partie du message d'Allah, c'est justement ce khilaf-là. Vous avez compris? Une secte qui fait un rad, une autre secte qui fait un rad. Ça prouve que ça ne vient pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Khilafukum hada, dalilun ala annahu laysa min indillah. Votre divergence de cette manière-là prouve que ça ne vient pas d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa religion, elle est claire. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Dès que tu vois qu'il y a une mas'ala où ils sont trop en khilaf, les gens, ça prouve que quoi? Ça prouve que ça ne vient pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous, la religion d'Allah, elle est claire. Elle est claire et elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas ce genre de... Amma le hadith qui dit « Inna ikhtilaf ummati rahma » la divergence de ma communauté est une miséricorde. Ça, c'est un hadith, il est batil. Le prophète sallam n'a jamais dit ça. Ce hadith, il est inventé, ce hadith-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une explication même à cela. Si tu dis aujourd'hui que le khilaf, c'est une rahma, c'est-à-dire le khilaf dans le fiqh, et non pas dans la aqidah, parce que dans la aqidah, il n'y a pas de khilaf. Mais si tu dis que le khilaf, écoutez bien, que le khilaf de la umma dans le fiqh, dans la jurisprudence, c'est une rahma, d'accord? Vous suivez jusqu'à maintenant? Alors on dira, et on interprétera de cette manière-là, et on dira, oui, c'est une rahma. Dans quel sens? Dans le sens où les Shafi'ites ont cherché la vérité, les Hanafites ont cherché la vérité, les Malikites ont cherché la vérité, et les Hanbalites ont cherché quoi? La vérité. Ces savants-là ont poussé des recherches. On fait énormément de recherches sur des questions religieuses. Et de ces recherches-là, il y a eu des raisonnements. Il y a eu des problématiques. Il y a eu des qiyas, des raisonnements analogiques, etc. Et avec toutes ces règles qui sont sorties dans la recherche, vous savez, il y a eu des recherches donc, dans les questions religieuses, les règles qui sont sorties de cette recherche-là, de ces recherches hanbalites, shafi'ites, etc. Ces règles-là qui sont sorties, qui sont comme le qiyas, hein, etc. Et bien ça, oui, c'est une rahma. Vous avez compris? Le résultat de cela, c'est une rahma. Vous avez compris? Le résultat qu'il y a eu, hein, le résultat, si on peut appeler ça collatéral, qu'il y a eu, hein, et bien ça, c'est une rahma. Pourquoi? Parce que c'est grâce aujourd'hui, walillahi alhamd, avec ce genre de qiyas, avec ce genre de déduction, hein, analogique, etc., dans les questions religieuses, qu'aujourd'hui, on pourra faire les mêmes jugements dans les questions de fiqh. Vous avez compris? Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui, c'est une rahma. Mais de dire que le khilaf, alors il y en a un qui s'allait comme ça, il y en a un qui s'allait comme ça, il y en a un qui s'allait comme ça, et que ça, en soi-même, c'est une rahma, là. Pourquoi? Parce que le prophète, il a dit, sallou kabara et tumuni, ou salli, et qu'il faut prier comme le prophète, a vu. Vous avez compris ça, inshallah? Mais toutes les règles qu'ils ont émanées de ces recherches religieuses-là, là, oui, on dira que c'est une rahma dans ce sens-là. Mais sinon, l'ikhtilaf de la umma, ce n'est pas une rahma. Bel huwaish, adab, au contraire. C'est même un adab, c'est même le contraire. Ma foum, tayyib. Les Mu'tazila et les Jahmi pourraient se servir des arguments pour prouver ce qu'ils ont nié contre les Asha'ira et les Maturidi, que les Asha'ira et les Maturidi ont avancé pour ce dont ils ont nié contre les Sunni. Ils vont dire, vous vous êtes permis de nier ce que vous avez nié comme attribut avec ce que vous prétendez être des arguments rationnels et vous avez interprété sa preuve textuelle. Alors pourquoi nous interdisez-vous la négation de ce que vous avez nié avec ce que nous pensons être un argument rationnel et nous interprétons son argument textuel? Nous avons nos moyens de raisonnement comme vous avez les vôtres. Si nos moyens de raisonnement sont défectueux, alors comment se peut-il que les vôtres soient valides? Et si nos moyens de raisonnement sont valides, comment se peut-il que les vôtres soient défectueux? Vous ne possédez pas d'argument concernant la négation, si ce n'est qu'une simple mainmise et une observation des passions. Ah oui, parce qu'après, c'est chacun qui choisit ce qu'il veut avec son aql. C'est ça qu'il veut dire. Si vous vous dites c'est avec le aql et le dalil, et vous avez fait vos propres interprétations, ben nous on a fait la même chose. Vous avez compris? Nous on a fait la même chose. Pourquoi vous refutez sur nous cette manière-là? Vous avez compris? Mais le problème, il est où là encore? Il est que le din, ce n'est pas avec le aql d'un tel ou le aql d'un tel. Il y a eu un aql. Et ce aql-là, c'était les uquls des sahaba, radiallahu anhu. D'accord? Les sahaba, radiallahu anhu, avaient des uquls. C'était, au départ, ce n'étaient pas des musulmans, pour une bonne partie d'entre eux, qui sont rentrés dans l'islam qu'après. C'était des mouchriquins, d'accord? Qui sont rentrés dans l'islam. Ça, elle est là. D'accord? Ça, on est sûr. Ils sont rentrés dans l'islam. Et ensuite, le din a été révélé pendant, on va dire, 23 ans. Hein, pendant 23 ans. Et clairement, aux gens, il n'y a pas un seul sahabi, qui a eu... un moment où la chose elle n'était pas comprise, maintenant dans des masaïls qui sont des masaïls de aqida, etc. Il n'y a pas une chose, hein? Ar-Rahman al-Astawa, il n'y a jamais eu un ishkel, irtafa'a, khalas, d'accord, il n'y a jamais eu un ishkel dans les masaïls de asma et de sifat. C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas eu. Donc ce qui prouve bien qu'en vérité le aql qu'il faut avoir à ce moment là c'est un aql mais qui est soumis au texte. Vous avez compris? Et non pas un aql qui commence à être le hakim, hein, celui qui juge le texte, s'il est acceptable dans son aql ou pas. Non. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc on voit bien. Si on vous dit, ce que je vais vous expliquer, Ali, c'est que malgré le fait que c'était des mouchriquins, et ensuite qu'ils sont rentrés, radiallahu anhu, qu'ils sont rentrés dans l'islam, d'accord? Ils ont quand même accepté le message, hein? Le message islamique, le message... Hein, et ce n'était pas avec le aql de Zayd, ni avec le aql de Amr. Ils avaient tous le même, hein, aql. Non, plutôt, on peut dire qu'ils n'avaient pas le même aql. Dans quel sens? Peut-être qu'il y en avait qui avaient un aql plus qawi qu'un autre, etc. Ça, c'est un don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais pour vous dire que, est-ce que, dans les règles, dans la règle de la soumission du aql au texte, D'accord ? Est-ce qu'ils étaient tous pareils ? Ils étaient tous pareils, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai, c'est faux. Taïf, pourquoi vous, des siècles plus tard, vous n'arrivez pas à être comme ça ? C'est ça qu'il faut leur dire. Et cette insoumission au texte, à cause de votre aql, à cause de votre raison et de vos esprits, hein, cette insoumission-là, c'est celle qui vous a mis dans ces contradictions-là. Et là, regardez, ils sont embrouillés. Là, ils se chamaillent. Hein. Vous nous reprochez ça. Et vous nous reprochez ça. Et pourtant, c'est vrai, puisque... Et ça vient de quoi ? Ça vient du fait qu'ils n'ont pas suivi la tariqa de qui ? Du prophète, ainsi que des sahaba sur la soumission des uqul avec min ghayri takyif wa la ta'til wa la ta'rif wa la tamthil. Voilà. Vous avez compris ça, inshallah ? Le takyif, le ta'til, le tahrif et le tamthil, tout cela, il y a des preuves du Coran et de la Sunna qui montrent qu'il ne faut absolument pas faire, hein, c'est ne pas tomber dans ces quatre interdictions-là. Vous avez compris ? Et en ne tombant pas sur ces quatre interdictions-là, là, tu vis sur quoi ? Sur le manhaj de qui ? Des sahaba, radiallahu anhu. Est-ce que vous avez bien compris ? Et on répète, et on répète, et on répète, inshallah, jusqu'à ce que ça rentre bien. Taïb. Ceci est un argument qui touche le cerveau et y occasionne une lésion, une obligation véritable de la part des Mu'tazila et des Ash'ariya et des Maturidiyya. Il n'y a aucun moyen de repousser cela, ni aucun refuge pour y être en sécurité, excepté le fait de revenir à la voie des salafs. Allahu Akbar. Voilà ce qu'on vient de vous dire. Hein? C'est pas avec le aqd d'un tel, c'est pas avec le aqd d'un tel. Revenez au manhaj des salafs. Le manhaj des salafs, ils avaient des uqul comme vous, mais au moins ils se sont soumis au texte. Pas comme vous. Vous, chacun l'a accepté de la manière qu'il a voulu, et après, à la fin, il est tombé en khilaf avec l'autre. Ceux qui bannissent ce chapitre et attestent à Allah le Très-Haut les noms et les attributs qu'il a attestés pour lui-même dans le Coran ou par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une attestation sans aucune comparaison, une recherche du comment, une exemption sans dépouillement des mots, de leur sens ni altération. Celui auquel Allah ne donne pas de lumière, il ne peut avoir de lumière. Voilà. À la fin, c'est une question de quoi ? De guider. Hein ? Soit Allah t'a mis la lumière dans le cœur et tu as suivi le manhaj des salafs, ou soit tu ne l'as pas. Mais regardez juste avant, il parle, regardez. Il y a trois éléments à retenir dans ce paragraphe. Le premier élément, la contradiction des uqul. Les uqul, hein, les esprits, ils sont différents ou ils ne sont pas différents ? Pourquoi ils sont devenus différents ? Parce que chacun l'a voulu accepter de sa manière. Et en plus, si on regarde, la plus grande des contradictions, c'est que si vous dites ça, si vous, c'est-à-dire entre eux, on parle, si eux, ils disent ça, forcément, tu peux les rentrer en contradiction, c'est-à-dire par le fait qu'ils n'ont pas eu la même acceptation à cause de leur uqul, et bien rien que ça, ça les met en contradiction. Et rien que ça, ça prouve que ça ne vient pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier élément. Vous avez compris ? Le deuxième élément, c'est quoi ? C'est, dans ce cas-là, hein, c'est vrai qu'il faut trouver, à ce moment-là, une solution. Quelle est cette solution ? Suivre le manhaj des salafs. Quel est le manhaj des salafs ? Ça, c'est le troisième point, c'est ça. Regardez, il dit là, « Ithbat, tu affirmes, sans tamthil, sans le fait de faire ressembler l'anthropomorphisme. Hein? Ou à la taqif, sans comment. Tu parles là, il est comme ça ou comme ça. Me fond hein? Il y a un taqif, mais tu ne le connais pas. C'est bien comme ça. Il y a un taqif. Il y a un comment il descend Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il y a kada wa kada. Il y a un taqif dans les sifat. Est-ce que tu le connais? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais vu Allah ou le kalam ou fi sifat et quel kalam fi taïb. Ensuite, il te dit wa tanzihan la ta'til wa la tahrif. D'accord ? Tu ne rentres pas dans le ta'til, dans la négation. Pourquoi ? Parce que là, tu vas aller en l'encontre du ithbat. Tu vas aller en l'encontre de quoi ? De l'ithbat, qui est l'affirmation. Et le tahrif, pourquoi ? Parce que le tahrif, Allah, il l'a rendu interdit. Vous avez compris ? Le tahrif, c'est. Allah l'interdit. يحرفون الكلمة عن مواضعها. Allah l'interdit, ça, le tahrif. Vous avez compris, inshallah. Et est-ce que ça, c'est le manhaj des salaf ? La wa kalla. D'accord ? Donc voilà, le manhaj des salaf montre bien qu'il y a eu des uqul avant vous, des uqul qui étaient sains et des uqul qui n'étaient pas pollués avec les falsafates, etc. Et ils ont accepté cela très facilement et très simplement, sans rentrer dans les meshekels dans lesquels vous êtes rentrés. Est-ce que c'est bien compris, ça? Taïb. Ça, il faut que ça se répète à chaque fois. Tanbi. Ulima mimma sabaka anna kulla mu'attali mumathil. Wa kullu mumathil mu'attil. Amma ta'atil mu'attil fa zahir. Wa amma tamthilu. تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا كما أنه بتعطيله مثله بالناقص ليس. Je veux bien cette remarque, c'est une règle qu'on a répétée souvent, mais que là il vous la met clairement. Voilà, la règle c'est ça. Tout mu'attil et mumathil. Et tout mumathil et mu'attil. Pourquoi? Il va l'expliquer. Quant au dépouillement de celui qui pratique le dépouillement, il est évident. Khalas, celui-là il est clair. Le dépouillé, khalas. Mu'attil, il est clair. Naam. Quant à sa pratique de la comparaison, c'est parce qu'il a effectué le dépouillement en ayant la conviction que l'attestation des attributs complique l'assimilation. Voilà, vous avez compris? Pourquoi il est rentré dans le tartil? Ça, une fois que tu as compris ça, c'est bon, tu as compris tout, même le livre. Pourquoi il rentre dans le tartil, celui-là? Parce qu'il a compris, des sifats, c'est qu'est-ce qu'il a compris? Que Yelzemesh Teshbi, la ressemblance aux créatures. Il dit, mais si on dit ça, c'est qu'on a fait ressembler Allah à ses makhloukat. Donc si toi, tu arrives à lui faire comprendre que de toute façon, et que dans tous les cas, premièrement, les notions prouvent le contraire. C'est-à-dire qu'Allah, là, il s'est commis les chéis. Voilà, ça s'arrête là. Et deuxièmement, même dans l'aql, et même dans la nature de tous les jours, hein, tu peux affirmer deux choses à deux êtres sans pour autant qu'ils se ressemblent. Si ça, il n'arrive pas à l'accepter, ben, je ne sais pas dans quel monde il vit. Hein. Vous avez compris? Ah là, c'est quelqu'un peut-être d'un autre monde. Hein? Mais tout le monde peut accepter ça. Subhanallah. Même entre deux makhlouq, imagine-toi, qui sont même pareils. Mathalan, Bouzid, il a les yeux. Et Mohamed, il a les yeux. Est-ce qu'on a les yeux qui sont semblables, même ça? Pourtant, on est des êtres humains, on est la même chose. Regarde, si même deux créatures similaires, des fois, ils n'ont même pas la même. Hein? Des fois, même deux jumeaux. Et les jumeaux, ils se ressemblent, mais voilà, il peut y avoir un petit farq. C'est vrai, c'est faux. Hein? Subhanallah al-Azim. Si ça, on arrive à l'accepter, hein? On arrive à accepter qu'un être peut avoir un œil et un autre peut avoir un œil, et forcément, et ils n'ont pas forcément de ressemblance. Pourquoi alors venir avec ce genre de débat futile? Vous avez compris? Eux, ils sont venus, ils ont dit non. Ils ont dit hada yastazimu at-tashbih, hada yastazimu at-tashbih. Mais en vérité, je vous le répète depuis le début, qawaid mouflan, on fait pourquoi? Parce qu'il y a un infiltré. C'est un infiltré. Jahb ibn Safwan, c'est des gens, ils ont pris leur ilm chez les Yahoud. Et ils ont voulu casser l'islam de l'intérieur. Hein? Abdullah ibn Saba aussi, le créateur du chiisme, hein? Le fondateur du chiisme. Hein? Ça a commencé avec un petit chiisme, oui, Ali il est mieux, etc. Sabaïa, et après, c'est monté Rafida. D'accord? Vous avez compris, c'est Inch'Allah. Et ça, c'est quoi? C'est des gens qui ont voulu frapper le din de l'intérieur. En mettant quoi? En mettant un munafiq de service. Vous avez compris? C'est la meilleure manière de diviser les gens. De faire croire que la personne... Et ça, il y en a eu dans l'histoire. Il y en a eu beaucoup, les frères. Des gens qui sont rentrés dans le din en montrant qu'il est venu avec une vérité, etc., etc., etc. Et à la fin de sa vie, tu vois les contacts qu'il a. Hein? Khalas, il a appris sa science d'un tel, qu'il a appris d'un tel, qu'il a appris à la fin, c'est quoi? C'est des ordres qu'on lui donnait. Hein? Et on a réussi à remonter toute sa chaîne, hein, de transmission. Et on voit qu'à la fin, c'est un adou Allah qui lui a enseigné cette aqidah-là. Et regardez, même ça existe, ce système-là pour les adhyan, ça existe même dans les... même dans les hukoumettes, même dans les... même dans les politiques, etc. Hein, on met à l'intérieur, après, khalas, il fout la zizane. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Taïbé, là, le jahmiya, en vérité, le jahmiya, là, aslan, ce n'est pas des muslimines. Aslan, le jahmiya, ce n'est pas des muslimines. Après, nous, peu importe que ce soit des gens infiltrés ou pas. Ça nous regarde, ça, de toute façon. Nous, le batel, on le rate. Qu'il soit infiltré ou qu'il ne soit pas infiltré, nous, alhamdoulilah, notre dîn, il est qawi. Notre religion, elle est forte. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, un élément extérieur qui voudrait polluer notre espace, là, notre dîn ou notre religion, eh bien, il ne pourra pas. Pourquoi ? Parce que notre dîn, il est trop clair. Ça, là. Regardez, essayez même de trouver maintenant des choses. Dès que vous allez finir ce livre-là, essayez de trouver même des idées. Enfin, quand je dis ça, c'est façon de, hein, c'est façon de parler. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est trop fort. Ça veut dire que le dîn, là, en vérité, il est mahfoud. Et il est mahfoud déjà avec les nosos, mais il est mahfoud aussi avec quoi ? Il est même mahfoud avec le aql sahih. Même le aql sahih ne peut accepter que cela et pas autre chose. Vous avez compris? Et c'est là que tu vois la clarté de la aqidah sur laquelle tu es. C'est pas une ni'ma, ça. Ça, c'est une ni'ma. La foi, elle augmente quand c'est comme ça. La foi, elle augmente quand tu remarques mahasin al-shari'a. Quand tu remarques la clarté et la beauté de cette sharia. La beauté de ce dîn, ça augmente ta foi. C'est vrai, c'est faux. La beauté de ce dîn, c'est comme une forteresse que tu ne peux pas. Hein, un hasin, hasin, que tu ne peux pas pénétrer. Abadan. Avec des piliers, avec des règles, et que tu ne peux pas entrer dedans. Pourquoi ? Parce que c'est trop fort. Et pourquoi ? Parce qu'il est mahfoud. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Ce dîn-là, il est mahfoud. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islamatina. Ce dîn, il est mahfoud jusqu'à la fin des temps. Ils vont essayer de lutter. Wallahi, ikhwan, une fois, ils ont essayé de mettre sur le marché des faux Coran. Les pauvres, ils ne savaient pas qu'il y avait des gens qui avaient Ahfad Qur'an. Hein? Ils l'ont Ahfad et ils ont des sénètes jusqu'au prophète, alayhi salatu salam. Hein? Ils ont des sénètes de transmission jusqu'au prophète, alayhi salatu salam. Aujourd'hui, tu es dans une mosquée, il y en a un, il se trompe. L'imam, il se trompe, il y en a deux ou trois derrière, ils le reprennent. Il est mahfoud. Ce dîn, il est préservé. Vous avez compris? Et ça, en soi-même, c'est un miracle. C'est vrai ou c'est faux? Wallah, que même ça, en soi-même, c'est un miracle. Et ça doit augmenter ta foi. Jour après jour, si tu regardes, ils luttent contre l'islam, ils font ça, mais il ne fait que d'avancer le dîn. Mais en soi-même, ça, c'est un miracle. 66 000 convertis par jour. Vous saviez ça ? 66 000 personnes dans le monde qui rentrent dans l'islam tous les jours. Agda. Ils ont fait à peu près un compte comme ça. Moi, encore la semaine dernière, je vais me convertir. Et pourtant, médiatiquement parlant, tout. C'est le harb, c'est vrai ou c'est faux? Il faut toujours la couche sur l'islam. À chaque fois, tiens, adou les musulmans, kada. Et wallah, toujours, c'est vrai ou c'est faux? Toujours, il faut qu'ils piquent les musulmans. Mais malgré ça, ça augmente. Et même les gens, entre guillemets, là, qui sortent du dîn, c'est rien comparé à ce qui monte. Et à ce qui rentre, c'est rien. Les gens qui craquent, msakin. Et wallah, que même ceux qui craquent, quand tu viens, ils reviennent. Là, si tu peux dire, même plus de la moitié d'entre eux, ils reviennent et ils savent que dîn al-islam, c'est dîn al-haq. Allahu akbar. Moi, je parlais quand on était à l'école. Ils me disaient, les gens, quand je leur faisais une niqash sur l'islam, je leur disais l'islam, c'est le haq, etc. Ils disaient, mais on sait que c'est le haq. À l'école, ils disaient au lycée, ils disaient, oui, on sait que c'est le haq, mais on n'a pas envie de rentrer dans dîn al-islam. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, mshahawat. Mais ils savent, les gens, Allah, ils savent. Pourquoi les gens ils s'intéressent comme ça? Et pourquoi ils le tapent comme ça? Les ados, pourquoi? Parce que ça va contre leur système. Wa yamkurun Allah. Wallahu khair al-makirin. Ça, on l'avait vu, hein? Avec les. Taïb. Répète le. Tardez, là. Oui, j'ai parlé de l'infiltration jahmite. Mais bon. Non, juste la fin. Famathala awwalan. Premièrement, la comparaison et deuxièmement, l'utilisation. De même, qu'avec son dépouillement et le compare à ce qui est apporté. Vous avez compris ? Vous avez compris ça ? Ça veut dire que dans sa tête, il y a eu tout de suite un lazim. Et on a dit, tout de suite dans son aqla, déjà ça c'est fou. Parce que c'est là qu'il aurait dû intervenir le verset « Laïsa kamithlihi shay ». Vous avez compris ? Je vous mets bien comme ça. Parce que lui, meskin, c'est ça. Et lui, dans sa tête, il y a le nas, il arrive. « Yet ». Oh, « yet ». Oh, c'est de la ressemblance, ça. Hein, « Yet ». Ah, c'est de la ressemblance. Toi, tout de suite, tu le refutes avec quoi ?« Laïsa kamithlihi shay ». Voilà, c'est réglé. Après, tu comprends. Mais lui, le mushkila, elle est là. Lui, il va prendre le même verset. Puisque là, il s'accamit les shay, je ne vais pas le faire ressembler. Vous avez compris comment il a akas. Vous avez compris comment il avait hein? Et les habèches, quand tu vas chez eux, c'est écrit en grand. Là, il s'accamit les shay. Ils ont un grand tableau comme ça. Mais sauf que cette preuve-là que toi, tu utilises pour faire le ithbet des sifat, eux, ils la prennent pour faire quoi? Pour la négation totale des sifat. C'est pas adib ça, la même preuve, mais pas la même compréhension. Vous avez compris ? La même preuve et pas la même compréhension. Adib ça. Hein ? C'est pour ça que là, après, tu remercies Allah que toi, tu as la guidée dans ça. Naam. Ensuite ? Quant à la comparaison de celui qui pratique la comparaison, cela est évident. Quant à son dépouillement des mots, cela est de trois sortes. La première sorte est il a dépouillé le même texte avec lequel il a attesté l'attribut du fait qu'il en a. Un texte signifiant la comparaison, bien qu'il n'y ait rien qui le signifie. Cependant, il signifie l'attribut qu'on vient à Allah Azzawajal. Attends, répète cela. Il a dépouillé le même texte avec lequel il a attesté l'attribut du fait qu'on a fait un texte signifiant la comparaison, bien qu'il n'y ait rien qui le signifie. Cependant, il signifie l'attribut. La deuxième sorte est il a dépouillé pour le. Attendez. Ça vous avez compris ou pas? Je suis là. Hein? Là, c'est un petit peu. Il dit mithal. On va prendre le mithal qui dit sur le Uthaymin. قال الممثل في قوله تعالى ثم استوى على العرش استوى كاستوائنا على السرير. Le ممثل, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, le cheikh explique ce paragraphe. Il dit ثم استوى على العرش. D'accord? Qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'est élevé au-dessus de son trône. Istawa, le mumathil il dit, voilà, Allah, istawa, ka istiwa ina ala sarir. Astaghfirullah al-azim. Lui, il dit ça. Alors qu'il n'a jamais vu Allah, hein, mais bon. Mumathil, il est mumathil. Ka istiwa, ka istiwa ina ala sarir. C'est-à-dire qu'il s'est élevé au-dessus de son trône comme nous, c'est le vent au-dessus d'un sarir, d'un lit. طيب. نقول أنت الممثل. Nous on lui dira, toi le mumathil, là tu as assimilé ou tu as fait ressembler. Et là tu as fait vraiment une c'est ça, hein, une ressemblance. Hein. نعم. وفي نفس الوقت معطل. Et en même temps tu es معطل. كيف يكون معطلا? Comment il devient un معطل? معطل c'est le négateur, c'est celui qui dépouille l'essence. نعم. نقول هل النص دل على ما ذكرت من التمثيل? Est-ce que le texte, nous maintenant on lui répond au mumathil, on dit est-ce que le texte que tu as ثم استوى على العرش, est-ce que il est un dalil sur ce que tu viens de nous dire? كاستوائنا على السرير. Est-ce que c'est الجواب? La réponse لم يدل. Non. La réponse est non. لأن لدينا أدلة كثيرة تدل على نفي مماثلة الله للخلق. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de textes qui prouvent que Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemble pas à sa création. Alors pourquoi toi tu vas venir, tu vas prendre cette sifa là et tu vas dire comme si c'était Allah subhanahu wa ta'ala, le stiwa du khalq est pareil que le stiwa de, ou le stiwa du khalq est pareil que le stiwa du khalq. Vous avez compris? فأنت عطلت النص عن مدلوله. Donc toi de cette manière-là, tu as dépouillé le sens du texte. Ben oui, puisque à partir du moment où il lui a donné un sens qui n'existe pas, il a dépouillé de son sens. صح ولا لا? طيب. لأن دلالة النص من صفات الله عز وجل. Car لأن دلالة النص على صفات الله عز وجل إنما تكون على صفات la tumathil sifat al makhluqin. Car l'argumentation qu'on va prendre dans les sifat d'Allah, le bon sens, hein, le texte, hein, on va prendre le texte en lui-même, mais aussi le bon sens du texte. Vous avez compris ? Il faut prendre le texte en lui-même, istawa, d'accord ? Mais aussi le bon sens du texte. Parce qu'à partir du moment où tu lui donnes un autre sens, d'accord ? Et bien là, forcément, tu vas faire du tartil. Vous avez compris, inshallah ? Ça, c'est clair. Taïb. Ensuite, il te dit, donc, il faut faire un salaf. إنما تكون على صفات لا تماثل صفات المخلوقين car Allah ne ressemble pas à ses créatures. Donc pourquoi tu dis que l'istiwa c'est le même? Al-kalam fi sifat kal-kalam fi dhat, voilà, hop, tu reviens avec la règle. فإذا جعلته دالا على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلته عن معناه الحقيقي. Vous avez compris? Il dit là, il dit si toi tu prends l'istiwa et tu lui donnes la même signification que l'istiwa du makhluq, donc forcément, tu as comparé Allah à qui? Hein? Au makhlouq. Donc tu as fait du ta'til. Vous avez compris? Tu as fait du ta'til. Tu as débrouillé le sens. C'est simple, les frères. Le ta'til, à partir du moment où il sort du sens du texte, il a fait du ta'til. Vous avez compris? Qu'il soit partiel ou qu'il soit complet. Le complet, on a dit sami' bila sam'a. Ça, c'est les jahmiyyah, kuffar. Je répète encore une fois. Hein? Sami' bila sam'. Comment Allah bila sam'? Astaghfirullah al-Azim. À quoi ça sert alors? Allah dit innahu sami'un qarib ila akhirih. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il cite plusieurs fois ces noms-là? Pour qu'après il n'y ait pas le ma'na de ce sens-là? C'est grave ou c'est pas grave? Et Allah il a parlé en une langue arabe connue de tout le monde. Sami' ça veut dire sama'a yasma'u. Sami' ça veut dire qu'il a entendu. Qu'il entend. Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'audio. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris, inshallah. Donc toi, à partir du moment que tu fasses un dépouillement, un ta'til partiel, juz'i, comme les Asha'ira font, ou complet, comme les Jahmiya font, c'est-à-dire Samir bila Sam', hein, tu as fait quand même un ta'til. Vous avez compris, inshallah. Vous avez quand même fait, il a quand même fait un ta'til, un dépouillement. Vous avez compris? الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. Regardez, là c'est fort, c'est ce qu'il dit. Hein? Vas-y, le deuxième. On a compris le premier. Le premier, tu touches au nas, tu touches au sens, tu rentres dans le ta'til, tu rentres dans le ta'til obligatoirement. Ma foi. Taïb. La deuxième sorte est, il a dépouillé tout texte signifiant le fait de nier toute comparaison d'Allah avec ses créatures. Ah oui, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa kamithlihi shay. صح. Et Allah subhanahu wa ta'ala il lam yakun lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Quand on dit ahad, c'est ahad fi af'alihi, dans ses actes, fi sifatihi, hein, et fi asma'ihi aussi. Vous avez compris? Donc Allah il est unique dans tout. Vous avez compris? Il est unique, hein, par le fait qu'il a dans ses noms et ses attributs, il est unique dans ses actes et il est unique, hein, je vais dire quoi, n'am fi af'alihi wa sifatihi wa asma'ihi wa sifatihi, d'accord. طيب donc Allah subhanahu wa ta'ala il est unique. Qul huwallahu ahad, خلاص, rien que ça, ça te suffit. S'il est unique, il te ressemble pas, puisqu'il est unique, صح, il ressemble pas au khalq. C'est vrai, lam yakun lahu kufuwan ahad, il n'a point d'égal. خلاص. Pourquoi tu commences toi à venir, tu dis non, le stiwa c'est le même, non, l'yed c'est la même, non, kada c'est la même. كذاب انت انت تكذب الان النص. Là tu es en train de mentir sur quoi? Sur Allah subhanahu wa ta'ala, puisque lui-même il dit qu'il est unique. قل هو الله احد. Tout le monde a connu cette sourate. Allahu samad. Ça c'est une hujja contre tous les mu'attil, tous les mumathil, tous les asha'ira, tous les matrudiya. Ça c'est cette sourate, sourate al-ikhlas, que tout musulman doit connaître normalement, hein, que tout le monde connaît, hein, juste après le Fatiha, elle est moins longue. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Et lui, il vient dire, oui, mais l'istiwa, ça veut dire staula. Non, taharraf le nas. Istiwa kama yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. C'est un istiwa qui lui est propre. C'est un istiwa ahad, unique. Vous avez compris? C'est un istiwa qui est quoi? Qui est unique, en son genre, entre guillemets. Vous avez compris? Mafoum? Allah yanzilu. Yanzilu la sama. Et c'est d'une manière que tu ne connais pas. Et c'est unique. Et laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Vous avez compris? Ahadun fi asma'ihi, ahadun fi sifatihi, ahadun fi af'alihi. Il est ahad fi kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Allah il est ahad dans ces choses qu'on vient de dire. مفهوم هذا؟ سا سي دي باز. Et subhanallah, un ami, des fois, tu dis, لم يكن له كفوا احد, ça y est, tu as compris. Allah, personne ne ressemble, Allah, كذا, Allah, كذا. مفهوم؟ Mais c'est quand ils ont commencé à rentrer, ces aqaïd, hein, qu'Allah, il est partout, etc. Là, ça, ça a été problématique. Ben, une fois, j'avais parlé avec un, il me dit, Allah, il est partout. Kif Allah, il est partout. Tu corriges ça, Ivara, tu lui dis, Allah, il est partout avec son ilm. Mais pas avec ça, vête, sa personne. Allah, il n'est pas partout avec ça. Allah, Allah, il est au-dessus du trône, فوق العرش. Le faux, Adam. Après, il a dit, et qu'est-ce que tu dis alors de la parole d'Allah qui dit, وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. Et qu'est-ce que tu dis de cette parole? Et c'est lui qui est Dieu sur et, hein, sur et sur terre. Ah, comment tu fais? Wallah, il m'a sorti ça. Sa ami, wallah, il m'a sorti ça. Je ne dirai pas ce qui est. Hein? Il me dit ça. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire, il est? Il me dit, il est, ça veut dire. Ah, je lui dis, tu vois là, il est l'ishkel. Il est, ça veut dire quoi? Ça veut dire ma'boud. صح؟ ça veut dire ma'boud. Bah Allah, il est ma'boud fi s-sama ou fi l-ard, c'est vrai. Les malaïka, ils sont fi s-sama. طيب, ya'bouduna man? Ya'bouduna Allah, ça là. Et il est ma'boud fi l-ard. Donc Allah, il est ma'boud fi s-sama, il est ma'boud fi l-ard. Mais ça ne veut pas dire que son dhat, Allah subhanahu wa ta'ala, sa propre personne, il est. Et comment tu peux être riche? Fi s-sama, fi l-ard, fi l-ard. Yani, t'as compris ça, inshallah. السماء هو الايش هو الذي في السماء اله وفي الارض اله de cette manière là tu veux m'affirmer que quoi tu veux m'affirmer que Allah il est partout ça c'est خطا ça صح ولا لا طيب vous avez compris cette règle là on finit la troisième là donc là tu le réponds par ليس كمثله شيء الثالث انه عطل الله عطل الله تعالى عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص طيب la troisième sorte est il a dépouillé Allah de sa perfection obligatoire du fait qu'il l'a comparé à une créature imparfaite. Voilà. Tu es venu, tu as dit que l'istiwa c'était le même. Donc tu as comparé l'istiwa du Khaliq au istiwa du makhluq. Et là tu as enlevé, tu as diminué la valeur, hein? Tu as tu n'as pas confirmé le kamal, la perfection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a, en le comparant à quoi? Au naqis. Car la comparaison au naqis rend naqis, rend diminué. Tu compares quelque chose à quelque chose qui est diminué, ben tu le diminues. Tu le diminues de sa valeur. Mais faut miroir. Donc de ces trois manières-là, on peut réfuter hein, ces gens-là, hein, qu'Allah nous préserve de dhalal. والله يا إخوان واحد يشكر الله سبحانه وتعالى يغمرسي الله سبحانه وتعالى de ne pas faire partie de ces gens qui sont complètement égarés et demande à Allah سبحانه وتعالى d'être un sabab de leur guider d'accord et nous le but ce n'est pas de se moquer le but ce n'est pas de et ça je le répète aussi le but ce n'est pas de se moquer ou de classer directement les gens etc là le but c'est de montrer premièrement le vrai enseignement qu'il faut avoir dans ces choses-là. La deuxième des choses qu'il faut retenir, c'est aussi al-ilm thumma ish al-amalu bih, c'est-à-dire que toi, tu prends cette science-là et tu la mets en pratique maintenant. Tu sais, tu connais la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, à travers ces règles-là que tu vas, inshallah, étudier jusqu'à la fin. Et ensuite, il manque quoi? Il manque le da'wah. Da'wah, c'est-à-dire appeler ces gens-là, une fois que tu es sûr, tu es capable de ramener ces gens-là vers la vérité en lui donnant un livre, en lui donnant une bonne parole, en essayant de la ramener et les tirer vers la vérité. C'est ça le but. Et à la fin, oui, à la fin, tu classes celui qui mérite d'être classé. Je dis bien celui qui mérite d'être classé. Si tu vois quelqu'un qui est entêté dans ce genre de questions-là, tu le classes et il n'y a aucune interdiction. Il n'y a aucune interdiction qui pourrait l'interdire, cette chose-là. D'accord ? Quand quelqu'un, il est achal, il est entêté, il est ahbash, il est entêté, il est kada, il est entêté, khalas, c'en est un. Comme lui, juge comment ? Lui, il est en train de te juger. Regarde, lui, au moins, il s'est classé. Hein, c'est ça qui est, hein, c'est ça qui est agible. Les a'da l'islam, hein, les a'da l'islam, ils savent classer les gens. Et toi, tu n'arrives même plus. Pourquoi? Parce qu'on t'a fait tellement peur, hein, qu'il ne faut plus que tu classes, etc. C'est faux, ça. Ça, c'est une mauvaise aqida. Ça, il y a de l'exagération dans ça, les frères. Ça, on le réfute pas, ça. Qu'il y a des gens qui exagèrent dans quoi? Dans la classification. Lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, alors qu'il n'a pas de science. Mais une fois que toi, ta science, tu as la hujja, et que tu es capable de dire que celui-là ne fait pas partie, ne suit pas le manhaj des salaf salih dans la aqida, jumlatan, et qu'il a khalaf, et qu'il a khalaf, et qu'il s'est opposé au sol, aux bases et aux fondements de. Du manhaj des salaf, là oui, tu pourras dire de lui que quoi? Que ce n'est pas quelqu'un qui suit la vérité et que c'est un innovateur. Vous avez compris?